pas, dis-lui que tout va bien. Dis-lui que je l'aime et que si elle a besoin, mon cœur c'est le sien. Petit frère, t'es ma vie, je m'en fous de leur avis, à la vie, à la muerta. On a grandi comme des bandits, des bagarres le samedi, Matrix et à la pointa. Petit frère, on a plus 15 ans, faut pas que les suites nous mettent les pinces. Je les connais tous maintenant, les jaloux aimeraient qu'on se prenne 20 ans. Oh, petit frère, on se voit moins depuis qu'on n'est plus chez maman. Oh, petit frère, je me fais du souci pour toi en ce moment. Oh, petit frère, envoie-moi un message quand t'es rentré. Oh, petit frère, si t'arrives quelque chose, c'est moi qui vais me gagner. Et si j'ai les yeux rouges, c'est que j'ai des problèmes et que j'aime pas en parler. Tu frère, des fois je t'avoue, j'ai envie de faire du mal à ceux qui nous embellent et de m'en aller. Et je me rappelle, on jouait sur la place. Tous les jours, tu regardais Scarface. Et quand tu étais en prison, je dormais sur ton lit. Je gardais ta place. Gardais ta place. Je gardais ta place. Je gardais ta place. Oh, petit frère, on se voit moins depuis qu'on n'est plus chez maman. Oh, petit frère, je me fais du souci pour toi en ce moment. Oh, petit frère, envoie-moi un message quand t'es rentré. Oh, petit frère, si t'arrives quelque chose, c'est moi qui vais me gagner. Mon frère, mon Sancho, mon ami, mon tout. Mon frère, mon allié, en cas de blême, il me couvre. Mon frère, celui qui se jette pour moi dans le gouffre. Mon frère, celui qui m'aime et pas besoin qu'il me prouve. Mon frère, mon Sancho, mon ami, mon tout. Mon frère, mon allié, en cas de blême, il me couvre. Mon frère, celui qui se jette pour moi dans le gouffre. Mon frère, celui qui m'aime et pas besoin qu'il me prouve. Oh, petit frère, on se voit moins depuis qu'on n'est plus chez maman. Oh, petit frère, je me fais du souci pour toi en ce moment. Oh, petit frère, envoie-moi un message quand t'es rentré. Oh, petit frère, si t'arrives quelque chose, c'est moi qui vais me gâter.